L'aventure de Wisteria Lodge de Arthur Conan Doyle. Chapitre 1er. L'expérience singulière de M. John Scott Eccles. Dans mes notes, je retrouve la date, fin mars 1892. Le temps était froid et gris, le vent soufflait. Pendant le déjeuner, Holmes avait reçu un télégramme et il avait griffonné une réponse. Sur le moment, il n'avait fait aucun commentaire, mais l'affaire le préoccupait, car il s'installa devant le feu, debout, la pipe entre les dents, l'œil méditatif dérivant parfois vers le message. Soudain, il me lança un regard chargé d'une inquiétante malice. « Je suppose, Watson, que nous pouvons vous considérer comme un homme de lettres. Comment définissez-vous le mot grotesque ?»« Bizarre, ridicule, remarquable, » répondis-je. Il secoua la tête. « Il implique sûrement quelque autre chose. » Du tragique, voire du terrible. Si vous vous rappelez certains de ces récits que vous avez infligés à un public indulgent, vous constaterez que souvent le grotesque se branche sur le criminel. Tenez, cette petite affaire des rouquins, par exemple. Au départ, elle paraissait simplement grotesque. Et pourtant, elle s'est terminée sur une formidable tentative de cambriolage montée par des bandits prêts à tout. Ou encore, cette affaire si ridicule, des 5 pépins d'orange qui nous amenaient jusqu'à une conspiration d'assassins. Le mot grotesque me met toujours sur mes gardes. « Vous venez de le lire ?» demandai-je. Il s'empara du télégramme. « Aventure tout à fait incroyable et grotesque vient m'arriver. Puis-je vous consulter, Scott Eccles, poste restante, Charing Cross ?» Ce télégramme émane-t-il d'un homme ou d'une femme ? Oh, d'un homme, certainement. Une femme n'aurait jamais envoyé un télégramme avec réponse payée. Elle serait venue. Vous allez le recevoir ? Mon cher Watson, vous savez comme je m'ennuie depuis que nous avons mis sur les verrous le colonel Carruthers. Mon esprit ressemble à un moteur de course. Il se détraque quand il n'exécute pas les exploits pour lesquels il est construit. La vie est banale, les journaux sont vides. L'audace et l'aventure semblent avoir déserté sans recours le monde du crime. Pouvez-vous, dans ces conditions, me demander si je suis disposé à m'intéresser au premier problème venu, si modeste soit-il ? Mais voici, sauf erreur, notre client. Un pas mesuré se faisait entendre dans l'escalier, et un personnage solennellement respectable, grand, fort, à large favori gris, fut introduit. Sa lourde figure et la suffisance de ses manières nous racontaient sa vie. Depuis les guêtres jusqu'aux lunettes à monture d'or, il s'affichait conservateur, bon anglican, citoyen zélé, orthodoxe et conventionnel au dernier degré. Pourtant, il avait dû être le héros d'une aventure stupéfiante à en croire ses cheveux hérissés, ses joues colorées de passion et toute son agitation. Instantanément, il sauta dans le vif du sujet. « Il m'est arrivé, Monsieur Holmes, quelque chose de très étrange et de très désagréable, » nous dit-il. « Jamais je ne me suis trouvé dans une situation pareille. Une situation scabreuse, tout à fait indigne. J'exige une explication. » Dans sa colère, il s'enflait et soufflait. Holmes tenta de l'apaiser. « Voudriez-vous vous asseoir, Monsieur Scott Eccles ? Et puis je vous demandais tout d'abord pourquoi c'est moi que vous êtes venu trouver ?» Parce que, monsieur, cette affaire ne me semble point relever de la police. Cependant, quand vous serez au courant des faits, vous comprendrez que je ne pouvais pas en rester là. Les détectives privés sont des personnages pour lesquels je n'éprouve aucune sympathie. Néanmoins, ayant entendu parler de vous, parfait. Mais, deuxième question, pourquoi n'êtes-vous pas venu tout de suite ? Que voulez-vous dire ? Holmes regarda sa montre. Il est 14h. Votre télégramme m'a été expédié à 1h. Mais il me suffit de jeter un simple coup d'œil sur votre tenue pour deviner que vos ennuis remontent à votre réveil. » Notre client passa une main sur ses cheveux ébouriffés, puis sur son menton bleui par une barbe en pleine offensive. « Vous avez raison, Monsieur Holmes. Je n'ai certes pas songé à ma toilette. J'étais bien trop heureux de sortir d'une maison semblable. Mais j'ai procédé à quelques enquêtes avant de me rendre chez vous. » Je suis allé à l'agence de location, vous comprenez ? et on m'a dit que le loyer de M. Garcia était payé et que tout était en règle à Wisteria Lodge. « Allons, allons, monsieur, » fit Holmes en riant. « Vous êtes comme mon ami, le docteur Watson, qui a la détestable habitude de raconter ses histoires en commençant par la fin. Je vous en prie, mettez de l'ordre dans votre tête. Faites-moi connaître, dans leur succession exacte, les événements qui vous ont fait sortir de chez vous, sans être ni peigné ni lavé, avec des chaussures du soir et un veston boutonné de travers, en quête de conseils et d'assistance. » Notre client inspecta d'un regard enfoigné sa tenue négligée. « Je dois vous faire une bien mauvaise impression, monsieur Holmes. Je ne me rappelle pas m'être jamais présenté ainsi, mais je vais vous raconter toute cette affaire extraordinaire et, quand j'aurai terminé, vous conviendrez qu'elle avait de quoi me troubler. » Mais son récit fut stoppé avant l'exorde. Nous entendîmes un brouhaha dehors, et Madame Hudson ouvrit notre porte pour introduire deux individus robustes, très policiers en civil. L'un d'eux ne nous était pas inconnu. C'était l'inspecteur Gregson de Scotland Yard, fonctionnaire énergique, courageux, et s'il restait dans ses limites, capable. Il nous serre la main avant de nous présenter son compagnon, l'inspecteur Baines de la police du Surrey. « Nous chassons le même gibier, monsieur Holmes, et notre piste nous conduit dans cette direction. » Il lança un regard de bulldog vers notre visiteur. « Êtes-vous, monsieur John Scott Eccles, de Popham House ?»« Oui. Nous vous recherchons depuis ce matin. »« Vous avez retrouvé sa trace grâce au télégramme, n'est-ce pas ?» interrogea Holmes. « Exactement, monsieur Holmes. Nous avons pris le vent au bureau de poste de Charing Cross et nous sommes venus ici. » « Mais pourquoi me recherchez-vous? Que désirez-vous ?»« Nous voudrions vous entendre, monsieur Scott Eccles, sur les circonstances qui ont précédé la mort la nuit dernière de monsieur Aloysius Garcia de Wisteria Lodge, près d'Asher. » Notre client s'était redressé, les yeux écarquillés et blancs comme un linge. « Le mort? Comment? Il est mort ?»« Oui, monsieur, il est mort. »« Mais comment? Un accident ?»« Un meurtre, pour appeler les choses par leur nom. » « Mon Dieu, c'est épouvantable. Vous ne prétendez pas que je puisse être soupçonné. » On a trouvé dans la poche de la victime une lettre de vous, et nous avons appris par cette lettre que vous aviez eu l'intention de passer la nuit dernière dans sa maison. » « Mais oui, c'est ce que j'ai fait. » « Oh, vous y avez passé la nuit ?» Les carnets officiels sortirent des poches. « Attendez un moment, Gregson, » intervint Sherlock Holmes. « Ce que vous désirez est une déposition complète, je suppose. » »« Et il est de mon devoir d'avertir M. Scott Eccles qu'elle pourra être utilisée contre lui. » »« M. Scott Eccles était sur le point de tout me raconter quand vous êtes entré. Je crois, Watson, qu'un peu de cognac avec du soda ne lui ferait pas de mal. À présent, monsieur, je vous demande de ne tenir aucun compte de ces auditeurs supplémentaires et je vous prie de procéder à votre exposé comme vous l'auriez fait si vous n'aviez pas été interrompu. » Notre visiteur ayant avalé le cognac, ses joues reprirent de la couleur. Il loucha vers les carnets officiels, puis commença son histoire extraordinaire. « Je suis célibataire et d'un tempérament sociable, nous dit-il. J'ai donc de nombreux amis. Parmi eux, je connais intimement la famille d'un brasseur retiré des affaires qui s'appelle Melville, et qui habite Albemarle Mansion dans Kensington. C'est à sa table que j'ai rencontré, il y a quelques semaines, un jeune garçon du nom de Garcia. D'après ce que j'ai compris, il était d'origine espagnole et plus ou moins en rapport avec l'ambassade. Il parlait un anglais très correct, avait des manières agréables et me fit très bonne impression. Nous nous liâmes d'amitié, ce garçon et moi. Je crois que je lui plus tout de suite. Deux jours après notre première rencontre, il vint me voir aller. De fil en aiguille, il m'invita à passer quelques jours chez lui à Wisteria Lodge, entre Asher et Oxshott. Hier soir, comme convenu, j'arrivai à Asher. Il m'avait parlé de sa maisonnée. Il habitait en compagnie d'un serviteur dévoué, espagnol lui aussi, qui était compétent en toutes choses. Ce domestique parlait l'anglais et tenait son ménage. Il s'enorgueillissait également d'un cuisinier merveilleux, un métis qu'il avait ramené de ses voyages et qui était capable de confectionner un excellent dîner. Je l'entends encore me dire que ce n'était pas un personnel dans le Surrey et je l'avais approuvé. mais il se révéla beaucoup moins banal que je ne le supposais. Je fis la route en voiture, 3 kilomètres au sud d'Asher. La maison était assez grande, retirée au bord d'une avenue bordée d'arbustes verts de grande taille. Le bâtiment me parut vieux, croulant, au comble du délabrement. Quand le cabriolet s'arrêta devant la porte souillée par les intempéries, je commençais à douter de ma perspicacité et me demandais s'il était sage que j'allasse passer quelques jours chez quelqu'un que je connaissais si peu. Il m'ouvrit lui-même et m'accueillit avec une cordialité exubérante. Il me confia ensuite à son serviteur, petit bonhomme basané et mélancolique, qui prit ma valise et me conduisit à ma chambre. Dans cette maison, tout était déprimant. Nous dînâmes en tête à tête. Bien que mon hôte fît son mieux pour me divertir, son esprit paraissait être constamment ailleurs. Il me parlait d'une manière confuse et avec un accent si farouche que j'avais du mal à le comprendre. Il tambourinait sur la table avec ses doigts, il se rongeait les ongles et il multipliait les signes d'énervement. Quant au repas, il n'était pas mieux cuisiné que servi. La présence du serviteur taciturne ne contribua pas à nous ragaillardir. Je vous assure qu'à plusieurs reprises au cours de la soirée, j'aurais voulu inventer une excuse pour pouvoir rentrer à Lé. Un détail me revint en mémoire. Peut-être est-il en rapport avec l'affaire sur laquelle, messieurs, vous enquêtez. Sur le moment, je n'y attachais aucune importance. Vers la fin du dîner, le domestique remit une lettre à mon hôte. Celui-ci, après l'avoir lue, me parut encore plus distrait et plus bizarre qu'auparavant. Il renonça aux frais d'une conversation et s'assit en fumant cigarette sur cigarette. Il s'abandonna à ses pensées, mais ne me fit aucune allusion au contenu de la lettre. Vers 11 heures, je fus ravi d'aller me coucher. Un peu plus tard, Garcia entr'ouvrit ma porte. La chambre était plongée dans l'obscurité. Il me demanda si j'avais sonné. Je lui répondis que je n'avais pas sonné. Il s'excusa de m'avoir dérangé si tard. Il était, me précisa-t-il, près 1 heure du matin. Après cet intermède, je m'endormis d'un sommeil de plomb. J'en viens maintenant à la partie extraordinaire de mon récit. Quand je m'éveillais, il faisait grand jour. Je regardais ma montre, elle marquait 9 heures. Comme j'avais insisté pour être réveillé à 8, je fus surpris qu'on m'eût oublié. Je me levais et sonnais, pas de réponse. J'en déduisis que la sonnette était hors d'usage. Je m'habillai hâtivement et je descendis, de très mauvaise humeur, pour commander de l'eau chaude. Vous pouvez deviner mon étonnement quand je découvris qu'en bas il n'y avait personne. J'appelai dans le couloir, pas d'écho. Je courus de chambre en chambre, tout était vide. La veille au soir, mon hôte m'avait montré où il couchait. Je frappai à sa porte, en vain. Je tournai le loquet et entrai, personne. Le lit n'était pas défait. Garcia était parti avec les autres. Mon hôte étranger, le domestique étranger, le cuisinier étranger, tous s'étaient évanouis dans la nuit. Ainsi se termina mon séjour à Wisteria Lodge. Sherlock Holmes se frotta les mains et poussa un petit rire. Il se préparait à ajouter cet épisode grotesque à sa collection d'histoires étranges. Voilà une aventure qui, à ma connaissance, est unique en son genre, s'écria-t-il. Puis-je vous demander, monsieur, ce que vous avez fait ensuite ? J'étais furieux. Ma première idée fut que j'avais été victime d'une farce absurde. Je refis ma valise, claquai la porte derrière moi et me mis en route vers Asher, ma valise à la main. Je m'arrêtai dans le village chez Allen Brothers, la principale agence de location, et j'appris que c'était elle qui avait loué la villa. Je pensais que le scénario n'avait pas été monté simplement dans le but de se payer ma tête, mais plutôt pour déménager à la cloche de bois. Nous sommes fin mars, comprenez-vous, et le terme est proche. Cette hypothèse se révéla erronée. L'agent de location me remercia d'avoir eu l'obligeance de le prévenir, mais il ajouta que le loyer avait été payé d'avance. Alors je regagnai la capitale et je me rendis à l'ambassade d'Espagne. Mon gaillard y est inconnu. Je suis ensuite allé chez Melville qui m'avait présenté Garcia. Il en sait encore moins que moi sur son compte. Finalement, quand j'ai eu votre réponse à mon télégramme, J'ai couru chez vous, car je crois que vous êtes un conseiller pour cas difficiles. Mais maintenant, monsieur l'inspecteur, je déduis de ce que vous avez dit en pénétrant ici que l'histoire ne s'arrête pas là et qu'une tragédie a eu lieu. Je vous assure en tout cas que je vous ai dit toute la vérité et que cela, mis à part, je ne sais absolument rien de ce qui est arrivé à cet homme. Mon unique désir est d'aider la loi par tous les moyens en mon pouvoir. J'en suis sûr, monsieur Scott Eccles, tout à fait sûr, dit l'inspecteur Gregson d'une voix très aimable. Votre déclaration correspond aux faits tels qu'ils sont venus à notre connaissance. Par exemple, cette lettre qui a été remise au cours du dîner. Avez-vous par hasard remarqué ce que M. Garcia en a fait ? Oui, Garcia en a fait une boulette et l'a jetée dans le feu. Qu'en pensez-vous, M. Baines ? Le détective local était de forte taille, bouffi, rougeau. Sa figure aurait été très vulgaire si elle n'avait été rachetée par deux yeux merveilleusement clairs, presque occultés par les lourds plis graisseux des joues et du front. Il sourit avec effort et tira de sa poche un morceau de papier plié et décoloré. C'était une grille à griffes, monsieur Holmes. En jetant la boulette au feu, il l'a lancée trop haut. Je l'ai ramassée derrière la grille, intacte. Holmes lui dédia un sourire de connaisseur. Il a fallu que vous examiniez la maison avec grand soin pour trouver cette boulette de papier. Je l'ai trouvée, monsieur Holmes. Je suis comme ça. Puis-je la lire, monsieur Gregson ? Le détective londonien acquiesça d'un signe de la tête. La lettre est écrite sur du papier couleur crème ordinaire sans filigrane, un quart de feuillet. Le papier a été coupé en deux coups de ciseaux à lame courte. Il a été plié trois fois et scellé avec de la cire rouge étalée hâtivement et pressée par un objet plat et ovale. La lettre est adressée à M. Garcia, Wisteria Lodge. Elle contient ces lignes. Nos couleurs, vert et blanc. Le vert ouvert, le blanc fermé. Grand escalier, premier corridor, septième à droite, porte rembourrée. Bonne chance. D. C'est une écriture de femme. Cette femme s'est servie d'une plume bien taillée, mais l'adresse a été rédigée avec une autre plume ou par quelqu'un d'autre. L'écriture est plus épaisse, plus pleine, comme vous le voyez. Très intéressant message, fit Holmes en le regardant. Je dois vous féliciter, monsieur Baines, du soin que vous avez apporté à l'examiner en détail. Quelques petits points insignifiants pourront sans doute compléter vos indications. Le cache-bal est sans doute un bouton de manchette. Quel autre objet a cette forme ? Les ciseaux étaient des ciseaux à ongles, recourbés. Pour aussi courts que soient les ciseaux, vous pouvez distinguer la même courbure dans chacun des deux. Le détective du Surrey émit un petit rire. « Moi, qui croyais avoir exprimé tout le jus du citron, » fit-il. « Mais je confesse que cette lettre ne m'explique rien du tout, sinon qu'il y avait quelque chose en train et qu'une femme, comme par hasard, était l'instigatrice. » Pendant cette conversation, M. Scott Eccles s'était trémoussé sur sa chaise. « Je suis heureux que vous ayez trouvé cette lettre puisqu'elle confirme mon récit, » dit-il. « Mais je me permets de vous faire observer que j'ignore ce qui est arrivé à M. Garcia et ce que sont devenus ses domestiques. » « En ce qui concerne Garcia, » dit Gregson, « la réponse est simple. Il a été trouvé mort ce matin sur le pré communal d'Oxshott, à 1500 mètres de chez lui. Sa tête avait été fracassée à coups de sac de sable ou d'un objet du même genre. Elle a été réduite en bouillie. C'est un endroit isolé. Aucune maison à moins de 400 mètres. Apparemment, il a d'abord été frappé par derrière. Mais son agresseur a continué à l'assommer longtemps après sa mort. L'attaque a été féroce. Aucune trace de pas, aucun indice qui permette d'identifier les criminels. La victime a-t-elle été dévalisée ? Non. Elle n'a été l'objet d'aucune tentative de vol. Cela est très pénible et terrible, articula M. Scott Eccles d'une voix chevrotante. Mais c'est aussi extrêmement pénible pour moi. Qu'ai-je à voir dans une promenade de mon hôte, dans je ne sais quelle excursion nocturne et dans une fin aussi affreuse ? Comment se peut-il qu'on me mêle à une pareille affaire ? Tout bonnement, monsieur, répondit l'inspecteur Baines, parce que le seul papier trouvé dans les poches du défunt était une lettre de vous annonçant que vous seriez son invité justement la nuit où il est mort. C'est l'enveloppe de cette lettre qui nous a permis d'identifier le cadavre. Nous sommes arrivés chez lui après 9 heures. Personne n'était sur les lieux. J'ai télégraphié à M. Gregson pour qu'il vous recherche à Londres pendant que je fouillais Wisteria Lodge. Puis je suis venu à Londres, j'ai rencontré M. Gregson et nous voici. Je crois maintenant, dit Gregson en se levant, que nous ferions mieux de donner à l'affaire un caractère officiel. Monsieur Scott Eccles, vous allez nous accompagner au commissariat et nous enregistrerons votre déposition par écrit. Certainement. Allons-y tout de suite. Mais je réclame vos services, Monsieur Holmes. Je désire que vous n'épargniez ni argent ni peine pour découvrir la vérité. Mon ami se tourna vers le détective du Surrey. Je suppose que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je collabore avec vous, Monsieur Baines. J'en serais très honoré, monsieur, bien sûr. Vous paraissez avoir été très rapide et efficace dans tout ce que vous avez fait. Y a-t-il une présomption, si j'ose ainsi vous questionner, relative à l'heure exacte où la victime a trouvé la mort? Il était là depuis 1 heure du matin. La pluie s'est mise à tomber à peu près à ce moment-là et il était mort avant la pluie. Mais c'est tout à fait impossible, monsieur Baines, s'écria notre client. Sa voix était reconnaissable entre 1000. Je suis prêt à jurer que c'est lui qui m'a parlé à cette heure-là dans ma chambre à coucher. Coïncidence remarquable, mais nullement impossible, murmura Holmes en souriant. Vous avez un indice ? Interrogea Gregson. À première vue, l'affaire n'est pas très complexe, bien qu'elle offre quelques particularités intéressantes. Mais avant que je hasarde un avis décisif et final, une étude plus approfondie des faits m'est nécessaire. À propos, monsieur Baines, n'avez-vous pas déniché autre chose d'intéressant quand vous avez fouillé la maison ? Le détective regarda mon ami d'une manière singulière. Il y avait 2 ou 3 petites choses intéressantes. Quand j'aurai terminé au commissariat, peut-être voudrez-vous venir avec moi et me donner votre opinion sur ces détails. Je suis entièrement à votre disposition, dit Sherlock Holmes en sonnant. Voulez-vous reconduire ces messieurs, Madame Hudson, et s'il vous plaît, faire porter ce télégramme par le chasseur ? Il aura payé une réponse de 5 shillings. Une fois nos visiteurs sortis, nous demeurâmes silencieux. Holmes tirait méditativement sur sa pipe. Il avait ramené ses sourcils devant ses yeux et il portait la tête en avant dans l'une de ses attitudes caractéristiques. Puis il se tourna brusquement vers moi. « Alors, Watson, que dites-vous de tout cela ?»« Je n'arrive pas à comprendre la signification de la mystification infligée à Scott Eccles. Mais le crime ?»« Eh bien, si on le rapproche de la disparition des compagnons de Garcia, il me semble qu'ils ont été mêlés au crime et qu'ils se sont enfuis pour échapper à la justice. » Pourquoi donc a-t-il été élu entre toutes les relations de Garcia? En quel honneur? Parce qu'il représente parfaitement le type conventionnel du respectable anglais. Il est le témoin rêvé pour impressionner un autre anglais. Vous avez vu par vous-même comment ni l'un ni l'autre des 2 inspecteurs n'en songeait à mettre en doute sa déposition, pourtant assez extraordinaire. Mais de quoi devait-il être témoin? De rien, étant donné la façon dont les choses se sont déroulées. Mais de l'essentiel si elle s'était passée autrement. Voilà comment je comprends l'affaire. En somme, il aurait servi d'alibi. Exactement, mon cher Watson. Il aurait pu servir d'alibi. Supposons, pour l'amour de l'argumentation, que les domestiques de Wisteria Lodge soient ses complices pour je ne sais quelle entreprise. Quelle que soit celle-ci, elle doit être accomplie avant 1 heure du matin. À la suite d'un tripotage des horloges, il est bien possible que Scott Eccles ait été convié à gagner sa chambre plus tôt qu'il ne le croyait. Mais ce qui est vraisemblable, c'est que lorsque Garcia est allé lui dire qu'il était 1 heure du matin, il ne devait pas être beaucoup plus de minuit dans la réalité. Si Garcia pouvait mettre à exécution son projet et être de retour à l'heure indiquée, il était alors en mesure de répondre puissamment à n'importe quelle accusation. Cet Anglais irréprochable aurait juré devant n'importe quel tribunal que l'accusé n'avait pas bougé de chez lui. C'était une garantie contre le pire. Bon, cela je le comprends, mais la disparition des autres? Je ne dispose pas encore de tous les éléments, mais je n'entrevois pas de difficultés insurmontables. Encore est-ce une erreur de discuter avant d'avoir toutes les informations? Insensiblement, on les déforme pour les faire coller avec ses théories. Et le message? Le texte était « Nos couleurs, vert et blanc, on dirait qu'il s'agit de courses de chevaux. » Le vert ouvert, le blanc fermé. C'est manifestement un signal. Grand escalier, premier corridor, 7e à droite, porte rembourrée. C'est un rendez-vous. Nous trouverons peut-être un mari jaloux derrière tout cela. C'était sûrement un rendez-vous dangereux. Elle n'aurait pas ajouté bonne chance, dans le cas contraire. D. Cela devrait nous guider quelque part. Garcia était espagnol. D. Ne serait-il pas mis là pour Dolores, qui est un prénom commun en Espagne? Bien, Watson, très bien, mais tout à fait impossible. Une espagnole s'adressant à un espagnol aurait crié en espagnol. L'auteur du message est certainement une anglaise. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous armer de patience en attendant le retour de ce brave inspecteur. En attendant, rendons grâce à la chance. Elle nous sauve pour quelques heures des fatigues insupportables de l'oisiveté. Avant le retour de l'inspecteur du Surrey, Holmes reçut une réponse à son télégramme. Il la lut, et allait la ranger dans son carnet quand il vit la question que posait mon visage. Il me la rendit en riant. « Nous naviguons dans les hautes eaux, » me dit-il. Le télégramme était une liste de noms et d'adresses. Lord Haringby, The Dingle, Sir George Folliot, Oxshaw Towers, Monsieur Haynes Hines, Juge de Paix, Purley Place, Monsieur James Caker Williams, Fortin Old Hall, Monsieur Henderson, High Gable, Révérend Josiah Stone, Ned Walsing. C'était le moyen le plus simple pour limiter notre champ d'opération, me dit Holmes. Sans aucun doute, Baines, avec son esprit méthodique, a déjà adopté un plan analogue. Je ne comprends pas tout à fait. Voyons, mon cher ami, nous en sommes déjà arrivés à la conclusion que le message reçu par Garcia pendant le dîner était un rendez-vous ou une invitation. Si j'interprète correctement le texte, il faut, pour atteindre le lieu du rendez-vous, gravir un escalier principal et chercher la 7e porte dans un couloir. Il est non moins certain qu'elle ne peut pas être située à plus de 2 ou 3 kilomètres d'Oxshott, puisque Garcia marchait à pied dans cette direction et qu'il espérait, selon ma thèse, être de retour à Wisteria Lodge à temps pour se prévaloir d'un alibi, lequel n'était valable que jusqu'à 1 heure du matin. Comme le nombre des vastes habitations dans les environs immédiats d'Oxshott doit être limité, j'ai envoyé à l'agence immobilière locale citée par Scott Eccles un télégramme demandant de m'en fournir la liste. La voici. L'autre extrémité de notre écheveau embrouillé se trouve sans doute parmi ces noms-là. Il était près de 6 heures quand nous arrivâmes au petit village d'Esher en compagnie de l'inspecteur Baines. Holmes et moi avions emporté un nécessaire de toilette et nous élûmes domicile dans un appartement confortable de l'hôtel du Taureau. Après quoi, nous nous remîmes en route avec le détective pour Wisteria Lodge. C'était un soir de mars sombre et froid. Le vent aigre et la pluie nous fouettaient le visage, exactement l'ambiance qui convenait au décor d'une tragédie.